à 18 ans, je faisais un petit journal, moi aussi, à l'école, le journal de la TG2, c'était en section G. Il y avait des caricatures, des copains, des profs. Bien, il n'y avait rien d'antisémite. Laurent Ruquier, vieille tarlouse de merde. Sécessionniste de melon. Toujours en pavé sur le service public pour faire de l'audience sur F2 Souche. Nous n'avons pas oublié l'infamie lorsque sournoisement tu as invité le penseur grenadier Toblerone qui venait parler des bougnoules. Moi je veux bien croire que vous ne soyez pas raciste, mais vous en prenez tellement aux antiracistes qu'on finit par penser que vous êtes vraiment raciste. La qualification de raciste est la chose la plus grave. Mais si, enfin... Même Morandini n'aurait pas osé traiter de la sorte ses invités. Double standard de journalope. Faible avec les juifs, fort avec Hitler. Ferme ta gueule, Laurent Ruquier. Vieille tante